Moi un jour je serai un grand artiste, je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous et tellement je serai riche, j'aurai même plein d'amis. Toujours escorté par la police, je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice, pourquoi rêver petit? Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement. Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement. Moi mon rêve c'est d'avoir la piscine et la villa quatre façades, 3-4 chambres et puis un grand dressing et le coupé 4x4. Non mon but n'est pas d'être richissime, juste le salaire d'un cadre. Et je finirai pas mes jours ici dans cet appart minable. Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement. Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement. Moi plus tard j'aurai une femme qui m'aime et des enfants tout plein. Tu sais bien je suis pas très matériel, je veux juste un petit terrain. Pas besoin d'un quartier résidentiel, je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais ça me convient. Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement. Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement. Je sais pas où je dormirai demain, eh ben ça devrait aller. Tu sais bien je me contente d'un rien, moi tant que j'ai les papiers. Ce que je voudrais c'est de manger à ma faim tous les jours de l'année. Et puis je me demande si enfin en grand je pourrais rêver. Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement. Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement. Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement. Riez, riez, riez, ouais ouais riez seulement.